Bonsoir. Tout dépend à quelle heure vous écoutez cet audio. C'est une audio de relaxation. Je vous propose de vous mettre dans votre lit, d'éteindre les lumières et de vous mettre dans la position la plus confortable possible. Commencez par vous étirer doucement. Prenez deux grandes inspirations et soufflez doucement. Fermez les yeux. Détendez-vous. Je veux qu'il y ait des bruits dans cet audio. Des sons. Je veux qu'il y ait des bruits chez vous, dans votre environnement. Prenez ces sons comme des amis. Uniquement pour vous soutenir et vous aider à vous endormir. Chaque son, chaque bruit ne fait que vous apaiser davantage. Vous êtes bien, détendu. Mettez-vous dans la position dans laquelle vous vous endormez habituellement. Détendez-vous. Prenez attention à vos pieds. Étendez-les un maximum. Enlevez chaque tension qu'il peut y avoir. Si votre position n'est pas tout à fait confortable, n'hésitez pas à bouger. Et à vous replacer d'une manière à ce que vous soyez le plus à l'aise possible. Tendez vos chevilles. Tendez vos mollets. Vos genoux. Vos jambes. Vos fessiers. Pas de votre dos, votre dos, détendez-les, vos épaules, détendez-les un maximum, vos bras, ainsi que vos mains. Votre peau, détendez-les. Détendez votre tête. Détendez votre visage. Votre mâchoire est totalement détendu. aux dents sont desserrées et ne se touchent pas. Si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux. Vos paupières sont lourdes. Vos paupières sont de plus en plus lourdes. Il se peut que vous ressentiez quelque lourdeur dans votre corps. Quelques frissons. Peut-être quelques mouvements. Pour certaines personnes, c'est l'inverse. Ils vont ressentir plutôt de la légèreté. Imaginez-vous dans l'endroit de votre choix. C'est un endroit sûr. Vous êtes totalement bien et décontracté. Vous pouvez être accompagné de qui vous le souhaitez. Ou bien seul, si vous le préférez. Prenez attention à votre respiration. Elle est calme et détendue. Vous êtes désormais totalement apaisé. Cinq de grands sous chers. Les personnes que vous aimez. Certains dorment peut-être déjà. Vous retomber dans le sommeil et vous endormir paisiblement. Demain matin, vous aurez de l'énergie pour vous réveiller. Toute l'énergie qu'il vous faudra pour vous lever. 그러니까. 이건 다 내 돈이지. Je pense qu'il y a des choses positives. Chasser les mauvaises pensées. Vous attend, réveillez-vous. 3. Après, vous